jour on arrive pas. Pour les blondes, les assiettes et les femmes fortes. Elle a ce doux, on la consomme. Maintenant ce qu'on veut c'est la somme.